À propos de l'essai de l'explosion de l'ogive nucléaire autodéfensive de la République populaire démocratique de Corée, le journal népalais Daily Express et le site de l'association d'amitié France-Corée et de l'avant-garde rouge de la jeunesse relevant du Parti pour la Russie travailleuse ont respectivement inséré des numéros. Les auteurs indiquent que l'expérimentation nucléaire de la Corée est une manifestation de sa volonté extrêmement dure à l'égard de la menace de guerre nucléaire et de l'embargo des forces hostiles, notamment les États-Unis, et que les États-Unis et leurs alliés doivent accepter la proposition de dialogue de la Corée au lieu de poursuivre la sanction contre elle. D'autre part, la filiale chilienne de l'association d'amitié avec la Corée a lancé le 20 septembre une déclaration en faveur de la Corée.